L'ancien défenseur des Saguenay de Chicoutimi, Frédéric Allard, a joué son premier match dans la Ligue nationale samedi contre le Lightning de Tampa Bay. Question de savoir un peu comment ça a été, on lui parle. Salut Frédéric! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Frédéric, d'abord, ta première expérience dans la Ligue nationale, comment tu as trouvé ça? Ah, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Sérieux, ça a été une très belle journée pour moi et pour ma famille. OK. Dis-moi, as-tu été utilisé, combien t'es utilisé de temps? J'ai joué 17 minutes, donc j'ai été vraiment, vraiment surpris, vraiment content de mon temps de glace. OK. Dis-moi, la grande différence, c'est quoi? C'est La vitesse l'exécution, je te dirais, ouais, exactement. Je pense que c'est ça la plus grande différence. Les jeux sont rapides, puis quand ils voient une option, ils n'attendent pas une seconde, ça décolle, puis c'est parti. OK. Qu'est-ce qu'on t'a dit maintenant, du coup? Là, tu remplaçais Dante Fabro parce que Fabro, lui, était blessé. Là, maintenant, tu es d'accord à ce qu'on appelle le taxi squad, c'est ça? Oui, exactement. Fabro, il est revenu derrière game, donc pour l'instant, je suis sur le taxi squad. OK. Dis-moi, Frédéric, après ton départ vers les Saguenay de Chicoutimi, comment que ça a été? Après ça, ta troisième année C'est ma quatrième ici. Là, ça a été. J'ai eu des hauts et des bas. Je pense que j'ai eu des bonnes saisons, des saisons correctes. Mais quand cette année, je suis revenu, là, j'ai eu un gros début de saison. Qu'est-ce qui m'a donné la chance d'être ici? Là. OK. Dis-moi, Frédéric, si on parlait un peu, mais c'était une année importante pour toi, j'imagine. Ouais, vraiment. C'est mon dernière année de contrat. Fait vraiment, là, savoir de tout ce qui se passe en ce moment ici, là, c'est excellent pour moi. Là. OK. Dis-moi, quelle sorte de défenseur que t'es? Ben, avec les Saguenay, tu étais un bon défenseur des deux zones. C'est à peu près ça aussi que t'es? Ouais, exactement. Je peux jouer sur 200 pieds, là, autant à l'attaque qu'à la défense. Là, c'est mon style de défenseur. Là. Je peux jouer dans n'importe quel trou qu'il y a. Puis c'est le moment que je me décris. Là. OK. Ben, Frédéric, on va te souhaiter la meilleure des chances et merci beaucoup de ton passage à Dan Radio Sport et bonne chance pour la suite de ta carrière. Pas de problème, merci beaucoup. Voilà, c'était le défenseur, l'ancien des Saguenay de Chicoutimi, Frédéric.